Les jeunes étudiants de tout le pays ont fêté significativement la journée de la jeunesse. Les cadres responsables du parti et de l'État comme Kim Yong-nam et Park Bong-joon et autres cadres de la capitale et des provinces ont visité le 28 août la filature Kim Jong-suk de Pyongyang, l'usine de transformation des céréales de Pyongyang, l'usine textile Kim Jong-suk de Pyongyang, le complexe sidérurgique de Fanghe et autres usines, entreprises, fermes et grandes écoles de tout le pays pour féliciter les jeunes étudiants. Les jeunes étudiants ont organisé diverses cérémonies culturelles comme représentations artistiques et compétitions sportives et distractives.